J'ai le plaisir d'accueillir avec moi pour parler automobile peut-être l'un des plus grands spécialistes de la province, Benoît Charrette, que vous pouvez voir entre autres dans l'émission RPM présentée les samedis et dimanches matin à VTL. Il est chroniqueur aussi au niveau de l'écrit dans diverses publications. Benoît Charrette est avec nous. Bonjour Benoît. Bonjour. Ça va bien? Oui. Oui, un des plus grands spécialistes. Suis-je trop modeste? Bon, c'est la modestie m'étouffe pas, mais bon, je travaille beaucoup dans le milieu, effectivement. C'est parce qu'on a des emplois peut-être un peu publics que d'autres. Avec RPM, je suis le réseau Cogeco à travers le Québec. Je suis également propriétaire de l'annuel de l'automobile, l'annuel des véhicules d'occasion. Je travaille pour différents magazines. Effectivement, disons que je ratisse assez large. On est dans l'auto 24 heures par jour, donc ça fait immanquablement de nous des spécialistes à un moment donné ou un autre. Là, évidemment, comme à tous les mois de juillet, je suis enfermé dans mon sous-sol à finir l'annuel de l'automobile. Il nous reste à peu près 3 semaines, 1 mois de travail pour la version 2015. Donc, on court les derniers lancements. Là, cette semaine, j'ai envoyé des collègues parce que moi, je n'ai trop, je peux pas partir. Là. Mais il y a la Subaru Outback cette semaine qui est présentée à Terre-Neuve. Nissan fait on appelle ça un All Product Long Lead, c'est-à-dire qu'on tous les nouveautés de l'année sont réunies en un seul et même endroit. Dans ce cas-ci, c'est au siège social à Nashville, aux États-Unis, où j'envoie Daniel Ruffian, un de mes collègues là-bas. La semaine prochaine, je me suis gardé le Ford Expedition qui va changer pour 2015. On a également le Dodge Challenger qui change pour 2015. On y va dans 2 semaines. Et l'Acura TLX dans 3 semaines. Après ça, ça va pas mal être la fin là, de ce qu'on a ramassé. Ça va être un petit peu plus tranquille. Mais là, j'en profite parce qu'il y a une nouvelle qui est tombée. Et oui. Spécialiste que vous êtes, je me suis dit, on va en jaser avec quelqu'un qui s'y connaît. La Colombie Britannique a annoncé que sur 3 tronçons d'autoroute, et c'est une première au Canada, on va permettre une limite maximale située à 120 km/h. Il y a d'autres provinces canadiennes, entre autres au Nouveau-Brunswick, où est-ce qu'on a des autoroutes à 110 km/h. Exact. Pourtant, au Québec, c'est 100 km/h à la limite, même si on accepte chez les policiers qu'on roule plus vite que ça. Ouais. Premièrement, même si ça semble être contre nature, comment ça se fait qu'on accepte aux gens d'aller plus vite? Bien, il faut comprendre 2 choses. Les voitures aujourd'hui, on n'est pas en 1950. Là. Les voitures aujourd'hui, rouler à 120, ça pose aucun problème. Les voitures sont mieux faites qu'avant, sont plus sécuritaires. Ça ne veut pas dire qu'on peut nécessairement aller plus vite. Mais on tolère déjà. Moi, je roule 120, là, puis je suis très honnête, je roule 120 depuis 30 ans. Puis j'ai eu un billet pour excès de vitesse dans toute ma vie sur une autoroute. Puis c'est de ma faute, je parlais avec ma blonde, je regardais pas, je roulais à 127, puis je me suis fait ramasser. Bon, ça fait une dizaine d'années, si c'est pas 12. Mais c'est le seul billet que j'ai eu sur une autoroute. J'ai toujours roulé à 120. J'étais à Québec vendredi matin dernier. J'ai vu pas moins de 6 policiers entre Montréal et Québec. Puis j'étais en Corvette jaune. C'est assez dur à manquer une Corvette jaune, là. Puis je passais à 120 devant 6 policiers. Personne ne m'a arrêté. Donc, on tolère déjà 120 partout. Alors, pourquoi ne pas le mettre à 120 puis dire, bon, ben écoutez, on n'a pas de tolérance à 120. On ne jouera pas aux hypocrites. On le tolère déjà. Parfait, on va le mettre à 120. Ben, 125, vous avez un billet. Oui. Bon. Est-ce que c'est ça où on se dit, bon, de toute façon, il tolère 120? Parce que, tu sais, la vitesse officieuse, ces autoroutes, c'est 120. Bon. Sans, même les policiers réalisent. Puis moi, j'ai fait l'exercice. J'ai suivi un policier il y a à peu près 3 mois. Puis on roulait 116, 117, 117, 118. Il a roulé ça, puis il était pas, les lumières étaient pas sur l'auto, il s'en allait pas nulle part, là. Il devait faire un tronçon d'autoroute pour aller prendre un autre embranchement. Puis lui aussi roulait dans ces vitesses-là. Parce que c'est la vitesse à laquelle tout le monde roule. Bon. Il y a différentes cultures où on a différentes vitesses. Les gens soulignent souvent l'Allemagne comme un endroit où on rêve d'aller. C'est vrai que c'est intéressant, mais c'est une toute autre éducation pour conduire sur des autoroutes sans limite de vitesse. Puis il faut bien comprendre qu'en Allemagne, il n'en reste plus beaucoup de tronçons comme ça, là. De plus en plus, on va limiter parce que, bon, à cause du trafic, la proximité de la ville, il reste quelques tronçons ici et là où on peut se défouler, mais sont de plus en plus rares. Mais en même temps, le bilan routier à la fin de l'année... Et pas plus catastrophique parce que les limites de vitesse sont plus élevées. Là. Non, non. Puis si on l'a fait la preuve en quatre là, plusieurs fois, il n'y a pas plus d'accidents mortels en Allemagne qu'il y en a en Suisse ou en Autriche, qui sont des pays voisins qui ont des limites de vitesse. Mais par contre, l'automobiliste allemand est beaucoup plus discipliné que l'automobiliste québécois. Là. Des morons à gauche qui ont loi à voie puis qui restent collés dessus à 100, là, ça n'existe pas ça en Allemagne. Parce que tu te fais passer sur le corps si tu fais ça. D'ailleurs, le les ministre... camions n'ont pas le droit de rouler à gauche en Allemagne. Un camion, c'est à droite. Tu vois jamais un camion dans la voie de gauche. Alors qu'ici, les gars se promènent avec des limitateurs de vitesse à 100 km/h à dépasser un autre camion qui roule à côté de lui à 99. Ça prend trois quarts d'heure à passer à côté sur la grande route. Ça, on voit pas ça en Europe. Les camions, c'est à droite. Ça, c'est une notion que le ministre des Transports de la Colombie-Britannique, Todd Stone, avançait dans son point de presse mercredi dernier, que les policiers aient plus d'outils justement pour punir ceux qui sont dans la voie de gauche et qui n'ont pas d'affaires là. Ben c'est ça. Alors, si on veut amener des changements pour changer certaines vitesses, ben il va falloir amener des lois qui vont forcer aux gens à mieux conduire. Puis, le problème qu'on a au Québec, les gens, en général, connaissent peu les lois de la route. Il y a des gens qui collent à gauche. Parce que la voie de gauche, en principe, c'est une voie de dépassement. C'est pas une voie pour rester collé puis passer sa vie là. Non. C'est une voie de dépassement. Donc, si on dépasse pas, ben on reste à droite. C'est aussi simple que ça. Alors, sauf que ben des gens qui comprennent pas cette base-là, et on se ramasse avec des embouteillages, des fois, qui sont dus simplement à deux, trois personnes qui ont décidé que la voie de gauche était à eux autres puis qu'ils y apprennent d'assaut. C'est aussi simple que ça. Parce que moi, cette semaine, quand j'ai vu ça, je me demandais, c'est parce que le Québec, on est plus niaiseux qu'ailleurs. Puis là, de la façon que vous me dites ça, je suis en train de penser que oui. On a ben, sous certains aspects, je vous dirais que oui. Puis bon, est-ce que c'est le fait qu'on se dit, bon, 100 km/h? Parce qu'il y a bien des gens qui se roulent à gauche et qui disent, ben moi, je m'en vais 100. Alors, j'étais à la limite de l'autoroute, j'ai pas d'affaire à m'en aller à droite. Même si tout le monde roule 115, 120, il y a des personnes. Puis sur le principe, ils ont pas tort, parce que la limite est à 100. Fait qu'eux autres se disent, ben moi, je suis au plus vite qu'on peut aller sur l'autoroute. Il y a pas de raison que personne veuille me dépasser. Et il y en a qui pensent comme ça. Puis bon, ils ont pas tort, sauf que la réalité, c'est pas ça. La réalité, c'est que tout le monde roule au-dessus de la limite. Alors, si vous roulez pas, si vous roulez à 100, vous n'avez pas d'affaire à gauche. Là. Et malheureusement, au Québec, il y a deux, trois générations de conducteurs qui n'ont pas eu de cours. Tu sais, faut pas oublier que les cours de conduite, ça fait pas longtemps que c'est revenu obligatoire. Là. Il y a eu plusieurs générations de conducteurs qui ont ramassé un auto à 18 ans, qui ont été passés un petit test d'une trentaine de questions, de vrai ou faux, puis ils ont été prendre le volant. Donc, ces gens-là connaissent pas la route dans la mesure où ils sont pas capables d'interpréter souvent les panneaux de signalisation qu'il y a, sont pas capables de bien lire les informations que leur donnent les autoroutes, et c'est pas des très bons conducteurs. Donc, on peut pas, avec le peu d'éducation qu'on a, espérer avoir des autoroutes où on a besoin de conducteurs qui ont une grande éducation. Parce que dans beaucoup de pays d'Europe, l'Allemagne, mais on prend entre autres la Scandinavie aussi, où on donne des cours de conduite qui durent un an. On doit conduire l'été, on doit conduire l'hiver, on doit faire la preuve qu'on peut conduire sous toutes les latitudes avant d'avoir un permis de conduire, ce qui n'est pas le cas ici non plus. Fait que des gens qui ont pris un cours l'été, qui n'ont jamais conduit l'hiver, c'est complètement une autre conduite. Alors, on réapprend à conduire l'hiver. Ah oui, je suis le premier qui veut, tu sais, on est tous de même, là, les jeunes, là, on atteint le 16 ans, puis là, oh, OK, je veux mon permis de conduire. Quand est-ce que je vais prendre les cours? Ah, on va me donner une chance, on va faire ça l'été. On fait tout ben, ça, c'est là. C'est ça. En fait, et bon, c'est déjà bon de prendre un cours, c'est sûr, mais on vit dans un pays qui a quatre saisons, et conduire l'hiver, c'est une toute autre histoire que de conduire l'été. Alors souvent, ben la première année, on réapprend à conduire l'hiver, tout simplement. Donc, on a des conducteurs qui ont une formation limitée ici. Et malheureusement, ben ça paraît très souvent sur l'autoroute. Nous, on prend des cours et c'est le métier qui veut ça. Mais moi, je prends des cours de perfectionnement deux, trois fois par année. Puis ça fait au-delà de 20 ans. Puis j'apprends encore à chaque fois que je prends des cours. C'est une formation continue, conduire. Mm-hmm. Les technologies changent, les façons de conduire changent avec la technologie qui s'améliore. Freiner avec une voiture qui a de l'ABS et tous les appuis électroniques qu'on a aujourd'hui, c'est très différent de conduire une auto il y a 20 ans. Puis il y a des gens qui vont acheter une voiture aujourd'hui. Moi, je reçois encore des courriels régulièrement sur des gens qui me disent « Hey, mes freins sautent quand j'appuie. » Ils sautent pas, l'ABS, ça saute. C'est fait comme ça, c'est pour empêcher les roues de bloquer. Mais les gens connaissent pas cette sensation-là, puis ils pensent leurs freins brisés parce qu'ils savent pas que ça fonctionne comme ouais. ça. Donc, il y aurait, dans un monde idéal, une formation continue à faire tous les 5 ans où les gens devraient retourner derrière une automobile et prendre connaissance des dernières technologies. Parce que quand on a une manœuvre d'urgence à faire ou qu'on a un moment de panique, on a une seconde pour réagir. Si on ne connaît pas vraiment la voiture dans laquelle on se trouve, une seconde, c'est jamais assez. On ne réagit pas, on gèle. Ouais. Là, on cause des accidents ou on se blesse. Alors, c'est une question d'éducation. Tous les gens qui ont un métier, qui sont sérieux dans le métier qu'ils ont, vont aller faire une formation à l'occasion pour se remettre à jour parce qu'il y a des nouvelles technologies qui sont arrivées, il y a des nouveaux outils qui existent, il y a des nouvelles façons de travailler. Bien, ça devrait être la même chose avec un permis de conduire. Je veux que vous me parliez, avant qu'on se quitte, de quelque chose qui a frappé l'imaginaire aux États-Unis, l'expérience du Montana. On a décidé pendant une période de temps, plus de limite de vitesse, et le résultat, contre nature encore une fois, baisse du taux de mortalité. Ah oui, puis là, finalement, on a eu des remords, puis on a ramené les limites de vitesse. En fait, faut avoir été au Montana. Les gens qui sont déjà allés dans les prairies canadiennes, là, pensez à Saskatchewan, là. Oui. Bon, ben transposez ça, traversez la frontière, vous êtes au Montana, là. Je dis toujours à la blague, c'est le genre d'endroit où tu peux regarder ton chien se sauver pendant 3 jours, puis tu l'as pas encore perdu de vue, là. Il y a des lignes droites, là. Tu peux mettre une corde, une brique, t'endormir, puis tu peux te réveiller au bout de 3 quarts d'heure, puis t'es là, encore dessus, là, ouais. Tu vas encore être sur la route, là. Donc, ils ont décidé, puis c'est des endroits où la population est très rare, la densité de population est faible. Alors, on avait décidé de dire, bon, ben écoutez, allez-y, bon. Pas tout le monde qui roulait 200 000 à l'heure, là, faut bien se comprendre. Non, à Manille, c'est parce que la route, elle a une vitesse naturelle aussi. Oui. On se sent pas en confiance tout le temps, là. C'est pas parce que c'est sans limite que je vais rouler 200 000 à l'heure, là. Exactement. Puis il y avait des grands bouts de route absolument au milieu de nulle part. Et finalement, l'opération s'est bien déroulée, sauf qu'il y a eu des pressions de citoyens de dire ça n'a pas de bon sens, on peut pas rouler à la vitesse qu'on veut, blablabla. Bla, bla. Finalement, ben bon, on a reculé, on a ramené des limites de vitesse. Mais entre vous et moi, j'y étais quelques fois, là, puis il n'y a personne qui patrouille dans ce coin-là. Il n'y a pas de police, il n'y a rien. C'est le désert. Les gens en Saskatchewan, il y a des limites de vitesse, là, mais je peux vous gager un petit 2, moi, que dans les prairies, là, entre Regina et Saskatoon, ou quelques endroits perdus en allant vers les sables bitumineux, là, si vous attrapez un billet là, vous êtes pas chanceux. Vous êtes tombé sur la pleine lune. Il y a à peu près une police au 1000 km² dans ce coin-là. Là. Fait que les chances sont plutôt faibles que vous ayez un billet. Mais bon, on procède avec la logique. Puis effectivement, il n'y a pas eu plus d'accidents. Les chances que 2 voitures se rencontrent sont faibles. Alors, à moins de perdre le contrôle de votre propre auto, les chances sont plutôt faibles. Sur ce, merci beaucoup, M. Charrette, pour le temps passé avec nous. Je sais que vous avez énormément d'ouvrages. Votre journée est loin d'être finie. Puis, commence. Oui, non, c'est ça. Je vous remercie, puis peut-être une prochaine fois. OK, salut. Bye. C'était Benoît Charrette de l'annuel de l'automobile, aussi chroniqueur pour RPM à la télévision, du côté de VTL les samedis et dimanches matin, qui parlait avec nous de limitation de vitesse. La Colombie-Britannique, une première au pays, 120 km/h, on accepte ça sur les autoroutes. Ce qui, dans la réalité, est pas mal le cas au Québec aussi, sans que ça soit écrit ces panneaux. On poursuit, on prend une pause, on vous revient avec les détails météo. Peu importe comment vous dites bingo, à chaque semaine dès juillet, c'est 1 900 $ répartis en 4 jeux qui vous permettront de crier. Ah, bingo!